Je suis infirmière. Je suis secrétaire. Et vous? Je suis médecin. Je suis avocate. Et vous? Je suis facteur. Et vous? Je suis pompier. Et moi, je suis serveuse.